Que ce soit pour le démarrage, l'acquisition ou le développement de votre entreprise, la SADC Maria Chapdelaine peut vous aider à réaliser vos projets. Notre équipe est là pour vous aider à valider une occasion d'affaires, faire un montage financier, rechercher du financement et même participer à ce financement dans certains cas. Contactez-nous au 276-0405 ou encore via le www.sadcmaria.qc.ca. La SADC vous rappelle l'importance de soutenir nos entreprises locales. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. Après Monaco et Marseille, des biens. Ici Nicolas Martel. Je vous invite du 13 au 16 septembre à venir assister en grand nombre au 48e championnat mondial de pétanque avec plus de 48 pays participants. Également, la tenue du festival des biens extrêmes avec la plus grosse sourcière au monde, la chaise musicale géante, le championnat mondial de pédalo et plusieurs autres activités seront à l'honneur. De plus, en soirée, trois spectacles de Québec Cible, partenaire majeur de l'événement. Pour achat de billets ou informations, consultez le site web et le Facebook de la ville de Lévis. Le cycliste de Saint-Félicien, Victor Véraud, a terminé sa saison. Question de savoir un peu comment il se trouve, comment il a trouvé sa saison. C'est ta première saison dans le U23. On lui passe. Salut, Victor. Allô? Victor, première saison complète. T'es content dans l'ensemble? Oui, vraiment content. On ne s'attendait pas à ça là, après avoir fait une petite planification là, moi, mon coach au début de l'année. Là. Okay. On avait planifié les objectifs, puis la plupart des objectifs là, ont été dépassés. Là. OK. C'était quoi les objectifs que tu t'étais fixé au début de l'année? Ben, au début de l'année, on savait pas vraiment à quoi s'attendre. Ben oui. C'est qu'on n'avait pas vraiment mis d'objectifs, mais plus ça avançait, ben là, on installait pour les courses suivantes. Puis, comme exemple, là, j'avais dit top 15 au championnat canadien. Puis j'ai terminé 13e. Fait que, tu sais, j'ai dépassé mon objectif, j'ai fait mon top 13. OK. Fait que, c'était un exemple, là. Ben, c'est ça. Ouais. Puis c'était vraiment une année vraiment de transition pour toi. On savait pas du tout comment t'allais te remettre de ton cancer également. C'était une nouvelle transition aussi, là. Ouais, ben, c'est en plein ça. En plus, normalement, ça aurait été une année de transition. Puis là, en plus, moi, c'était mon année de transition. Puis le retour à la compétition, là. Fait que j'avais comme une double transition à faire, là. OK, Un retour puis une transition, là. Fait que c'est pour ça que là, c'était encore pire, là. Qu'est-ce que t'as trouvé le plus dur? Je dirais que c'est plus la période d'entraînement qui a été le plus dur, là. Tu sais, de pas savoir si l'entraînement allait vraiment être efficace, là. Tu sais, je me suis entraîné tout l'hiver, là. J'ai pas commandé que j'ai mis. Ouais. L'affaire que j'avais plus peur, c'est d'arriver à l'été puis ça paye pas, là. Tu sais, si j'avais encore de la misère à suivre, ben. T'sais, si j'étais pas pantoute là, ben ça aurait été plate, mais là, je suis bien content comme ça a sorti. L'entraînement a payé. Pis... On en a parlé cette saison aussi. Les pistes sont différentes aussi, hein. Ils sont plus exigeantes. Donc ça aussi, il a fallu que tu t'acclimates à ça aussi, là. Oui, c'est en plein ça. C'est sûr, les pistes, ils changent, ils mettent ça plus. C'est plus fabriqué à main, c'est moins naturel. Fait que c'est qu'ils sont capables de mettre des obstacles où qu'ils veulent, quand ils veulent. Fait que les parcours deviennent beaucoup plus techniques durs physiquement à cause de ça. OK. Là, il se passe quoi avec toi prochainement? Je veux dire, c'est la prochaine année qui s'en vient. Donc, l'hiver, j'imagine qu'on va prendre un repos, c'est ça? Ouais, ben là, présentement, là, je suis en période de repos. Là, les compétitions sont terminées. Je fais du vélo pour le plaisir. Puis, tu sais, le mois d'octobre, là, c'est tout souvent, là, septembre-octobre, c'est souvent des mois là, de repos, là. On fait un peu d'entraînement, puis c'est vraiment... On s'amuse, puis là, on profite du temps. Puis, novembre-décembre, là, on va commencer à planifier l'entraînement pour l'hivernal, puis pour enlever un camp dans le sud, là. Ça recommence comment? Ça recommence... Quand tu prends un repos de même, est-ce que ça recommence de façon agressive ou c'est correct? C'est vraiment progressif. Au début, surtout, on va faire plus du volume. Okay. Des plus longues raids, on va essayer de faire, mettons, des 2 heures, des 3 heures. Puis peu importe le sport, tu sais, je peux faire un 3 heures de raquette qui va être bon pour ma planification prochaine aussi. Là. OK. Donc, le but, c'est de ramasser des heures d'entraînement pour pouvoir bâtir quelque chose de plus spécifique sur la base d'entraînement, dans le fond. OK. Donc, c'est vraiment ça qu'on va faire l'an prochain. Les objectifs, j'imagine, vont être plus hauts cette année, l'an prochain? Oui. Bon, oui, évidemment. Les plus forts vont partir. Moi, je vais augmenter d'une carte d'une année de plus. Fait que là, t'sais, je vais être plus en forme aussi. L'entraînement va être... je vais pouvoir augmenter ma charge d'entraînement, là. Puis à savoir à quoi m'attendre aussi. Là. OK. Ben, c'est ça. Puis là, il n'y aura plus la fameuse inquiétude puis le fameux spec aussi là-dessus, là. Oui, exactement. OK, OK. Ben, Victor, on va te souhaiter la meilleure des chances. Je suis bien content de voir que ta saison, c'était une année comme de transition, nouvelle catégorie, tout ce qui s'est passé également. Et l'an prochain, je pense qu'il y a, qu'on va viser certainement, c'est même des podiums. Est-ce que c'est réalisable l'an prochain? C'est réalisable aux Québécois, aux Canadiens peut-être. Aux Canadiens, ça serait le fun d'en faire un. Puis, ouais, c'est sûr que des podiums, on en vit tout le temps, mais on va voir comment ça va aller l'année prochaine. OK, OK. Ben, on va te souhaiter la meilleure des chances prochainement. Donc, et on va se reparler certainement l'automne et le printemps prochain. Parfait, merci. Ben, merci beaucoup. Donc, c'est Victor Véraud, le cycliste de Saint-Félicien.